Eh bien, vous êtes de retour à votre cyber revue de presse L'Autre Monde. Bien oui, bienvenue encore une fois à cette édition, cette fois du 7 mai 2012. Je me nomme François Marginin et je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde, la radio officielle de l'UQAM. Alors voilà, c'est le retour de L'Autre Monde, encore une fois, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Donc, cette semaine sur la table, nous avons plusieurs sujets. Nous avons évidemment parlé d'actualité mondiale. On va toucher un peu aussi la scène canadienne ici, la crise étudiante, les élections françaises. On va parler de Fukushima. Donc, ça devrait faire le tour de la question pour cette semaine. Donc, voilà. Pour débuter, j'aimerais vous parler d'une chose dont il est quand même assez intéressant ici de discuter, c'est qu'il y a eu un gala, le gala de Choc FM, qui se tient une fois par année, à peu près dans ces dates-ci. Et puis, j'ai l'honneur de vous dire que L'Autre Monde a été en nomination dans la catégorie des meilleures émissions d'affaires publiques et puis émissions de l'année. Malheureusement, l'émission n'a pas gagné la première position dans ces catégories, mais quand même, le fait d'avoir été nominé est quand même un honneur intéressant. Et puis, il en reste pas moins que L'Autre Monde est l'émission la plus écoutée sur les ondes de Choc FM. Alors, merci à vous, chers auditeurs, d'être présents et de continuer de faire connaître cette émission, qui se veut une émission où on parle d'information, on parle d'actualité, on essaye de recentrer les débats, on essaye de vous apporter toutes les informations qui vous manquent pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le monde. On défriche la jungle informationnelle de l'information et on épluche la désinformation et on vous livre le meilleur pour vous. Alors voilà. Donc, ceci étant dit, merci aussi quand même, je dois le dire, à Choc FM et puis à toute l'équipe, dont Étienne, qui m'aide régulièrement à mettre, en fait, l'émission, en fait, régulièrement. Il met l'émission en onde toutes les semaines, mais il m'aide régulièrement aussi à se démerder avec des pépins techniques et toutes sortes de trucs. Alors, merci pour sa patience infinie. Voilà. Donc, c'est quand même une chose importante à noter, que l'émission est à peu près partagée entre les auditeurs de la France, du continent européen, je dirais, parce qu'on en a en Suisse, on en a en Belgique, on en a même en Afrique du Nord francophone, et puis aussi ici au Québec, alors quand même. Et puis, on reçoit souvent des commentaires des auditeurs du continent européen, particulièrement en France, où en fait, on nous commente en nous disant que une émission telle que L'Autre Monde ne passerait même plus en France, tellement que la liberté d'expression se fait écraser et que la censure fait rage. Alors, on est encore un des rares bastions où on peut pratiquer cette liberté d'expression, quoiqu'elle est maintenant menacée officiellement, surtout depuis le passage de la nouvelle loi C-10 par le gouvernement, disons, à tendance totalitaire de Harper. Alors voilà, ceci étant dit, on va enchaîner avec deuxième nouvelle importante cette semaine. En fait, on a connu, pas plus tard que hier soir, le résultat des élections françaises. Alors, comme me faisait parvenir un courriel rapidement à notre correspondant français Stéphane Poutoir, il a écrit que finalement le plan s'est déroulé comme sur des roulettes pour les mondialistes. Effectivement, c'est François Hollande qui a été élu président de la République française. Alors, un peu comme on pouvait appeler ici Harper le mini-Bush, Obama qui est, on pourrait dire, est un peu un modèle de ce que va être François Hollande, c'est-à-dire un loup en habit d'agneau. On le présente de la gauche, et puis on dit que c'est une victoire importante pour la population, pour les Français en réalité. Et puis, j'ai bien peur que ce qui va se passer avec François Hollande va être à peu près la même chose que j'avais prédit que si ça passerait avec Obama. Juste à voir qui l'entourait, qui étaient ses conseillers, qui étaient ses financiers. Alors, il était facile de voir que Obama et le Parti démocratique, en fait démocrate, qui a tendance à être classifié comme étant un peu à la gauche, a poussé encore plus loin les politiques intérieures et extérieures des États-Unis que ce que Bush et Cheney avaient pu le faire. Alors, Obama s'est avéré être un président encore beaucoup plus, je dirais grave, peut-être dangereux pour les droits et libertés en général, pour la paix dans le monde, etc., etc. Et puis, M. Hollande, ça va être la même affaire. Hein? Donc, on vous présente ça comme étant la gauche qui est maintenant au pouvoir, mais vous devez comprendre que, bien que ça soit une bonne chose que le règne, en fait, de Sarkozy se soit terminé, ce petit empereur napoléonesque, c'est très très bien qu'il soit parti, mais quels sont les choix qui nous sont à faire? Là est le problème, c'est là où le bas blesse en réalité, c'est qu'il n'y a pas de choix véritable. Ce n'est pas une véritable démocratie, ce n'est pas un véritable choix. Vous aviez des personnes comme François Asselineau et d'autres qui auraient pu réellement, possiblement en tout cas, faire avancer la cause de la population beaucoup mieux que des personnages comme François Hollande. Alors, il faut mentionner que c'est un mondialiste. Alors, qui gagne, que ce soit la droite ou la gauche, ce sont tout le temps les mêmes banquiers, les mêmes financiers internationaux qui chapeautent ces personnages. Ce sont les chevaux. Ce sont carrément les chiens de garde de cette élite mondiale qu'on dénonce pour ses actes qui sont à chaque fois, comme vous voyez dans les nouvelles de l'actualité, à chaque semaine ici sur L'Autre Monde, on voit comment cette élite mondiale traite les populations du monde, et il est de plus en plus clair que leur agenda et leur plan en est un de suprématie, de contrôle mondial, d'établissement d'une gouvernance mondiale par eux, des gens qui ne seront pas élus, sur lesquels nous n'aurons aucun pouvoir, mais qui, eux, auront un pouvoir direct sur nos vies. Alors, François Hollande, on dit, c'est un mondialiste, mais c'est un mondialiste de gauche, young leader de la French American Foundation, qui prend la place du mondialiste de droite. Alors que de droite ou de gauche, ce sont des mondialistes pareils, des élitistes, des mondialistes, des globalistes. Alors, vous devez savoir, comme le note notre correspondant français, qu'il existe un programme Young Leader aux États-Unis dont le financement dévoile des noms prestigieux comme David Rockefeller, fondateur de la Trilatérale et président honoraire du CFR, qui est le Council on Foreign Relations, Frank Carlucci, ancien secrétaire adjoint à la CIA et ancien secrétaire à la défense du président Reagan, ex-directeur du très puissant groupe Carlyle, dont un des directeurs financiers est Guillaume Sarkozy, frère du président sortant. Alors, voilà. Alors, je vais boire une petite gorgée de mon bon café, parce que là, il y a de l'action qui se prépare. Alors, mes petits Français, mes chers cousins, préparez-vous à quelque chose d'assez spectaculaire qui s'en vient. Si vous pensez que ce qui s'en vient va être mieux que Sarkozy, ce dont je faisais allusion un peu plus tôt avec ce Stephen Harper qui se trouve être un mini-Bush, j'appellerai maintenant François Hollande un mini-Obama. Alors, attendez-vous à peu près au même traitement, à la même direction du pays que ce que les États-Unis ont pris sous Obama. OK? Et un autre sujet fort intéressant, la grève étudiante qui apparemment est en venue en un accord de principe entre le gouvernement Charest ici au Québec et puis les associations d'étudiants. Alors, on en était quoi, à environ 90 jours, parce que quoi, 2-3 mois de grève. Le gouvernement de John James Charest, disons-le, son nom, son véritable nom, se fait passer pour un homme du peuple, se fait s'appeler Jean Charest. Alors, on a déclaré un paquet d'enneries au cours du week-end, comme quoi que le gouvernement avait vraiment fait de son mieux pour résoudre la crise le plus rapidement possible, ouais. Effectivement, pas loin de 90 jours, c'est vraiment effectivement très rapide. Et puis, on avait une convention du Parti libéral à Victoriaville ici, et puis il y a eu une confrontation entre les policiers et puis les manifestants. Il y a eu de la violence. Deux étudiants gravement blessés, dont un qui a perdu l'usage de la vue dans un œil. Fantastique. Ah oui, le gouvernement s'est vraiment dépêché, s'est vraiment occupé de cette crise. Ah ouais. Alors qu'il plaisantait de façon méprisante il y a quelques semaines qu'il fallait les envoyer dans le Grand Nord le plus loin possible, ces pauvres étudiants. Alors, on aura dépensé autant d'argent en temps supplémentaire des policiers que ce que ça aurait coûté juste pour financer le programme de l'éducation au Québec, j'en mets peut-être un peu, mais pas loin. C'est des millions de dollars qui ont été dépensés durant cette crise. Des millions de dollars. Complètement inutiles. Alors que ce gouvernement s'entêtait dans sa direction comme un gouvernement qui ne représente que ses propres intérêts et non ceux de la population. Et puis, après ça, vous avez la police et le gouvernement Charest qui se sont défendus d'avoir utilisé la brutalité, la violence, d'avoir gravement blessé deux étudiants, ont causé la perte d'un œil pour l'un d'eux, quand même assez incroyable, en disant qu'eux, ils n'avaient que réagi, ils n'avaient que voulu garder l'ordre, que la violence était venue du côté des manifestants et des étudiants en premier. Ah oui, M. Charest a déclaré que c'est certainement pas des policiers qui ont lancé des boules de billard et des morceaux de briques. Mais non. Comment peut-on les croire alors que ça vient de la SQ, la même SQ, cette police provinciale qui a été prise la main dans le sac et a dû admettre publiquement avoir infiltré les groupes des manifestants lors du sommet à Montebello. Des policiers qui s'étaient déguisés en anarchistes et qui était prêt à faire de la casse avec des roches dans les mains, alors que les syndicalistes les avaient dénichés, les avaient exposés. Ils portaient des bottes de policiers. La SQ a été obligée d'avouer qu'ils avaient infiltré le groupe des manifestants pour les faire mal paraître. Après ça, on peut les blâmer, on peut blâmer les manifestants d'un bloc, en faisant des généralisations, des amalgames, complètement propagandistes, qu'on diffuse ensuite dans les médias qui se plient à ce type de manœuvre, les médias de masse. Après ça, qu'on démonise ces étudiants ou peu importe ces manifestants. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment peut-on porter quelques crédibilités à un gouvernement et puis un corps de police qui a déjà fait ça dans le passé? Comment savoir si ce n'était pas des policiers infiltrés qui faisaient leur même affaire? Vraiment. Et puis, de toute façon, utiliser des balles de caoutchouc, des gaz lacrymogènes, qui, disons-le, sont des gaz chimiques, qui est interdit d'utiliser dans des théâtres de guerre à l'étranger, mais qu'on peut légalement utiliser ici sur des populations civiles. Un fait troublant, mais réel. Alors, que dire de ça? Utiliser de la matraque dessus des étudiants qui manifestent. Bravo. C'est édifiant comme société. Alors, vous allez voir que aux États-Unis, juste pour continuer un peu dans la même discipline, dans la même veine, disons, ben, avant même d'aller aux États-Unis, parlons un peu de ces corps policiers, parce que je veux dire, c'est un peu là dans la direction où je veux me diriger, c'est que on dit vouloir garder l'ordre rétabli, les policiers sont censés être là comme des gens qui assurent la paix, mais au lieu d'être des agents de la paix, maintenant, ils travaillent plutôt à protéger les intérêts de ceux qui sont au pouvoir et qui travaillent ardemment contre le peuple pour s'enrichir et vider la classe moyenne et le reste du peuple de leur argent. Les policiers sont du mauvais côté de la clôture, disons-le. Les policiers qui, d'un bord comme de l'autre de la frontière et partout ailleurs dans le monde, disons, mais quand même, ont souvent des comportements de type criminel ou, en tout cas, très loin d'être éthiques. Et si vous avez la police montée du Canada qui ont été mise à la discipline pour mauvais comportement, ils ont conduit avec les facultés affaiblies, regardaient des vidéos pornographiques, et puis ont eu même des relations sexuelles avec des prostituées, telles qu'elles étaient rapportées dans un rapport et diffusées sur la CBC. Alors, on dit que dans la période de 2010-2011, il y avait 65 membres réguliers et civils qui ont fait face à des cours de discipline. 13 d'entre eux ont dû quitter leur emploi de la police montée, la GRC, et puis vous avez d'autres qui ont brisé le code de conduite en utilisant la force excessive, en ayant eu des relations sexuelles dans des véhicules de la GRC, qui ont fait des fausses déclarations de temps sur leur corps de travail à temps supplémentaire. Alors, voyez, vous avez ici un autre espion important canadien dont on a trouvé la carte d'affaires dans le complexe de Kadhafi. Alors, qu'est-ce que ça faisait là? Vous avez ces fameux services secrets aussi dont le scandale a éclaté en Amérique du Sud. Alors, et puis ces gens-là, d'ailleurs, ils sont très inquiets de ce que les stations de télévision locales aux États-Unis parlent. Alors, on fait du journalisme d'enquête, du véritable journalisme d'enquête. Et puis, quand on rapporte la vérité, ça l'inquiète jusqu'aux services secrets. Ben ouais. Alors, vous allez trouver quelques nouvelles dans ce style-là. Vous allez trouver des nouvelles aussi. Vous allez voir que des policiers aux États-Unis, vous avez eu des manifestations là au début du mois de mai, Occupy Wall Street, et puis on a essayé d'encore là démoniser ces manifestants, les faisant mal paraître. Alors, vous avez la police qui a été exposée à... écoutez, c'est assez incroyable, là, à ramasser des gens qui cherchaient de la drogue, à leur fournir des drogues. Après ça, on les a transportés par autobus. Vous avez des vidéos de ça. Les médias ont rapporté ça. Et puis, on a amené ces gens qui étaient sous l'effet des drogues, et puis on les a apportés là où il y avait des manifestants de Occupy Wall Street. Et puis après ça, le but était évidemment de, après ça, faire mal paraître les manifestants en disant « Regardez, c'est une gang de drogués. » Vous voyez le type de tactique qui est utilisée. C'est assez particulier. Vous avez le nouveau code de conduite de la Société Radio-Canada, qui est la société d'État ici concernant le Canada, qui inquiète le syndicat. C'est une nouvelle qui a été publiée par la presse. Et là, on a ici, on parle de l'imposition d'un nouveau code de conduite aux employés de Radio-Canada vous allez voir le contrôle idéologique qui est en train de s'opérer ici au Canada, une dérive assez incroyable. On va essayer de contrôler la pensée, contrôler les débats, contrôler l'information, contrôler l'image qui est projetée du gouvernement. Alors, il va devenir de plus en plus difficile de rapporter la vérité à propos du gouvernement, un peu comme aux États-Unis. Et puis, là, on veut imposer un nouveau code de conduite aux employés de Radio-Canada qui risque de transformer les journalistes en porte-parole des ministres conservateurs, craint le syndicat des communications de Radio-Canada. Alors, vous avez un grief contre le code en question qui a été déposé à la mi-avril par le syndicat, qui en a informé ses membres samedi dernier, explique Le Soleil. Explique au Soleil le président de la Société Radio-Canada, Alex Levasseur. Le président dénonce que la haute direction de Radio-Canada exige des employés l'équivalent d'un serment d'allégeance au ministre du gouvernement Harper, au même titre que les fonctionnaires fédéraux. Des modifications ont été apportées au code de conduite qui encadre la pratique des employés de Radio-Canada le 2 avril dernier. Le précédent code datait de novembre 2006. Alors, parmi les irritants pour le syndicat, l'obligation que les employés, et j'ouvre la citation ici, aident les ministres à rendre compte au Parlement et à la population canadienne, fin de la citation. Une mesure qui va à l'encontre de la saine distance qui doit séparer le gouvernement et le diviseur public, dénonce M. Levasseur. Toute la différence entre faire un travail de journaliste et celui de porte-parole, poursuit-il. C'est complètement offensant, dit le président de la Société Radio-Canada. On ne peut pas accepter d'être à la solde ou de nous asservir au pouvoir politique. Il faut dénoncer cela. Imaginez. Alors, voyez un peu cette tendance qui s'installe tranquillement, des gouvernements qui cherchent. Mon Dieu, ça, c'est des pulsions totalitaires. C'est des pulsions qui sont très loin de la liberté, du concept de la liberté ou de la démocratie ou peu importe ce qu'une société peut aspirer de plus beau et de plus grand. Un contrôle non seulement de la population, mais des idées, de l'idéologie. Assez incroyable. Vous avez un journaliste ici, Carlos Miller, qui a écrit un article et lui il parle de la Homeland Security comme étant un des pires groupes terroristes. Très important article ici à consulter aussi. Alors, lui, il enquêtait sur un dossier. Il filmait, en fait, des événements qui se passaient à Miami. Et puis, étant donné que c'était assez sensible, il filmait la police, entre autres. Eh bien, il a trouvé des évidences ensuite comme quoi qu'il était devenu la cible d'une branche locale du département de la Homeland Security. Donc, apparemment que documenter et raconter la vérité aux États-Unis est maintenant un crime qui est punissable même par la loi, parce que lui, maintenant, va faire face à la loi. Il a été arrêté par la police, d'ailleurs, pour avoir filmé la police. C'est incroyable. Même affaire au Canada, où on commence à avoir des discours orwelliens qui sont mis en place de plus en plus, en parlant du discours haineux, des lois qui ciblent les non-juifs. Pourquoi je dis ça? Écoutez, si vous avez une vidéo ici, là, et puis on parle d'une histoire, une réponse que Rick Hansen, le chef de la police de Calgary, a répondu alors qu'il a été confronté par Press TV, alors qu'il y avait eu une qui était, disons, assez haineuse en déclarant que les Irakiens portaient un culte, si vous voulez, à Satan, au mal, qui avait été imprimé par un des journaux les plus importants du Canada. Et puis, le chef de police a répondu que cette une n'avait pas eu comme origine Calgary, où il était, que ça pouvait être dans le National Post. Alors, on se lance la patate. Alors, vous voyez que de dire que les Irakiens, ici on disait « Iraqis worship the devil ». Alors, les Irakiens qui portent un culte, si vous voulez, au démon, à Satan. Alors, voilà un discours haineux, mais qui, étrangement, hop, n'est pas sanctionné par la loi C-10 sur les discours haineux. Pourtant qu'on critique de façon légitime et complètement neutre les politiques et les agissements de l'État d'Israël, eh bien, là, on est ciblé pour antisémitisme et discours haineux. Alors, voyez les deux poids, deux mesures. Il faut les voir de façon objective. Et puis après ça, vous avez eu ce fameux drone qui a volé au-dessus de Alma. Il y a des affaires spéciales qui se passent ici, au Québec. Et puis après ça, ben vous avez des histoires qui sortent dans les journaux, comme ici un apiculteur du Québec qui a été accusé de crimes de guerre nazis. Alors là, on est en train de créer des genres de débats comme ça ici au Québec. Donc voyez un peu le style. Style d'environnement dans lequel on opère, là. Vous avez la FCC, Google, le staff de Google, les employés de Google savaient que les fameux Street View Cars, alors les autos Street View, là, vous savez, quand vous allez sur Google, là, puis vous rentrez une adresse là, sur Google Maps, et puis on peut vous sortir la vue satellite, et puis après ça, vous avez la fameux Street View, alors vous pouvez voir carrément les images des rues. Vous savez sûrement de quoi je parle. Alors, il y avait eu des poursuites en cours parce que Google, en fait, volait des données privées en même temps. Alors, on scannait tous les réseaux d'Internet, ainsi de suite. Et puis, on rapporte maintenant que Google savait qu'on volait ces données privées. Alors, imaginez. C'est assez incroyable qu'on fasse ces choses-là complètement volontairement. Donc, on ramasse de l'information sur vous. Le Pentagone admet qu'ils n'ont aucune évidence photographique de la mort de Bin Laden. On apprend dans une nouvelle de AP, Associated Press. Alors, vous avez des officiels du Pentagone qui ont récemment révélé qu'il ne pouvait trouver aucune photo, aucune évidence vidéo qui confirme que le leader de l'Al-Qaïda, Osama Bin Laden, a été tué dans le raid des Navy SEALs au Pakistan il y a à peu près un an. En fait, au contraire, et puis vous allez voir, vous pouvez trouver ça sur des liens que je vais vous laisser là sur Internet, sur les nouvelles internationales, vous allez trouver que la Maison-Blanche, en réalité, a laissé couler plusieurs sortes de photos, sauf que la totalité de ces photos qu'on a relâchées étaient des fausses photos, des trucs qui ont été photoshopés, permettez-moi l'expression. Alors, on a pris des images qui existaient déjà, et puis, on les a modifiés pour qu'elle ait l'air d'Osama Bin Laden, alors qu'il n'en était pas du tout le cas. Et puis, ils se sont essayés à quelques reprises, et puis à toutes les fois, la communauté de chercheurs de la vérité sur Internet a démonté et montré que ces photos-là étaient des fausses dans les heures, sinon les jours qui ont suivi, à la grande gêne et le grand embarrassement des autorités américaines, qui ont été obligées de les retirer et puis se réessayer encore pour encore retirer leurs photos. Les photos qui n'ont pas réussi à tromper quiconque. Alors, c'est probablement pourquoi que maintenant, vous avez même un juge qui a permis qu'on refuse de rendre public n'importe quelle autre photo, parce qu'elles ne sont probablement pas plus convaincantes que les efforts précédents. Alors, un autre point, peu importe qui a été tué dans cette maison il y a à peu près un an, qui n'est évidemment pas Bin Laden. Bin Laden qui était mort déjà il y a plusieurs années. Cette personne-là n'avait probablement absolument rien à voir avec l'Al-Qaïda. Alors vous avez, on se rappellera, le Pakistan qui avait lancé le raid initial. Et puis après ça, les Américains ont envoyé une équipe pour ramasser ce corps-là. Et puis après ça, dans les nouvelles, on avait dit qu'ils avaient largué le corps dans l'océan. Lorsque la fraude est devenue connue. Alors, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Donc, parlons-en de ces affaires-là. Ensuite, autre manipulation des médias aux États-Unis. Alors, pour montrer encore là qu'il n'y a absolument rien de crédible dans toutes ces maudites histoires-là, je veux dire, on trafique les élections un peu partout si on ne réussit pas à les manipuler. Carrément. Puis comme on a vu maintenant en France. Alors, vous avez Fox News qui a annoncé que Ron Paul s'était qualifié. Alors, ça, ce qui était vrai, Ron Paul qui a continué à gagner un paquet de votes dans une myriade de comtés différents. Et puis après ça, vous avez trouvé un paquet de nouvelles où on parle des médias qui demandent où est Ron Paul. Alors que vous avez, partout où il passe, à Missouri, Maryland, Milwaukee, Ohio, Madison, UCLA, Berkeley, Illinois, Chicago. Vous avez trouvé des photos avec des foules immenses avec Ron Paul qui est là. Et puis, vous avez les médias qui sont mis à mentir, comme le CBC, la CBS, qui a déclaré que Romney était le candidat présidentiel républicain, que les primaires étaient terminées. O'Reilly, sur Fox News, lui avait confirmé que Romney avait gagné. Incroyable. Alors que ce n'était pas du tout le cas. On a annoncé les choses très rapidement pour essayer de mouler la pensée des gens, de leur faire croire rapidement que Ron Paul est en dehors de la course, alors que Ron Paul a continué des élections, de gagner des élections. On a confirmé de la fraude électorale dans différents endroits, comme au Dakota du Nord. Ron Paul qui a gagné 5 délégués en Pennsylvanie. Romney n'en a gagné aucune. Puis là, on n'arrête pas de parler de Romney comme c'était le seul gagnant. Ron Paul qui a gagné la majorité des délégués de Washington, une convention. Ensuite, Colorado, d'autres évidences que Ron Paul va challenger Romney à Tampa. Alors, voyez, Romney a perdu dans son propre état aux mains de Ron Paul. Incroyable quand même. Alors, voyez, Ron Paul qui fait surface encore un cauchemar pour Mitt Romney, évidemment. Il est beaucoup plus supporté par la population que Mitt Romney l'est. OK? Mitt Romney, qui est un autre vieux élitiste, dont il a une longue, longue amitié avec Benjamin Netanyahu. Une amitié qui date depuis 1976. Alors, voilà qui est très riche avec les intrigues politiques. Un autre petit chien-chien, un autre candidat choisi, présélectionné par le grand lobby très puissant d'Israël. Donc, plusieurs nouvelles dans ce sens-là. Après ça, comme je vous disais, des gaz lacrymogènes à Oakland, MK Ultra 2012, les policiers qui se sont fait prendre, comme je vous parlais, à droguer des adolescents, puis ensuite on les a apportés sur des sites où les gens d'Occupy Wall Street manifestaient, comme au Minnesota. Vous allez voir les photos, les différents rapports de ça, j'en ai parlé un peu plus tôt. Ça a brassé beaucoup à San Francisco. Vous avez eu des grèves générales un peu partout à San Francisco, où on a eu du brass camarade qui a été dénoncé comme étant le travail d'agents provocateurs, un peu comme ici la SQ au Québec. Alors, comment peut-on croire ces gens? Comment peut-il avoir quelconque crédibilité que ce soit? Alors, vous avez eu des milliers d'activistes d'Occupy Wall Street qui sont descendus dans des douzaines de villes américaines lors de ce qu'on appelait le May Day Protest. Alors, probablement une des plus grandes dans l'histoire de la nation américaine. Vous avez eu des événements planifiés dans plus de 135 villes, incluant Oakland, Chicago et San Francisco. Alors quand même assez incroyable. Évidemment qu'on conseille tout le temps à toutes ces gens de tout le temps garder leurs actions pacifiques et ne donner aucune excuse aux médias de les faire paraître comme étant violents ou quoi que ce soit. OK? Alors, il est important que on reste loin même des agents provocateurs, des gens qui pourraient inciter à des incidents du vandalisme. OK? C'est très important. Alors, on poursuit. Alors, vous avez toutes sortes de nouvelles comme ça, là. La mort de la Constitution aux États-Unis. Ici, on parle d'attaque préventive. Vous avez militaire, qui était un peu la nouvelle doctrine militaire américaine, des raids sur des manifestants préventifs. Alors, c'est un peu comme le cauchemar orwellien du crime de la pensée. Et puis, c'est en train de devenir de plus en plus réalité aux États-Unis, alors que le gouvernement américain a lancé des raids préventifs sur les manifestants d'Occupy Wall Street. Vous avez ici un article fort intéressant à lire concernant cette histoire-là. On a d'ailleurs passé une loi qui fait une félonie du fait qu'on peut passer sur des endroits où on parle de places importantes, où il pourrait y avoir des politiciens importants, ou certains événements qui ont une signification nationale. Et puis, c'est rendu... même protester contre le gouvernement pourrait vous qualifier comme étant d'être un traître terroriste et puis d'être emprisonné aux États-Unis. C'est assez incroyable. Un mot que je ne cesse de répéter parce que c'est difficilement croyable qu'on vit dans un monde pareil. Qu'une dérive de la sorte se déroule devant nos yeux, incrédule, des fois indifférent ou des fois tout simplement inconscient. Alors que aux États-Unis, on a mis en place maintenant un système de cour où on juge des gens sans qu'ils ne soient représentés, des cours militaires. Où on emprisonne des gens de façon indéfinie, même sans jugement, pour être torturé, torture qu'on a légalisée. On peut vous suivre à la trace avec des drones. Le gouvernement américain qui s'est donné le droit d'assassiner quiconque croit, on juge être des terroristes, sans procès. On fait juste suspecter que vous êtes un terroriste, que vous soyez à l'étranger ou sur le territoire américain. Le gouvernement s'est donné le droit de vous enlever des rues ou carrément de vous tuer sous les nouveaux pouvoirs de la NDAA. Alors, ce qui est arrivé, c'est que vous avez la NYPD qui, un jour avant les manifestations d'Occupy Wall Street, de May Day Protest, la NYPD, qui est le corps policier de la ville de New York, a visité au moins 3 activistes à la maison. Et puis, ces gens-là ont été interrogés. On a interrogé d'autres résidents à propos des plans de la manifestation du lendemain. Alors, voilà qui est assez particulier comme nouvelle, qui vous laisse une petite sensation de frisson dans le dos. Un policier, un officier de la police qui a été accusé d'avoir fait faire perdre la vue à une femme avec ce fameux poivre de Cayenne. Alors, ce fameux poivre de Cayenne qu'on utilise allègrement contre les manifestants, hein, les manifestants, on asperge les gens de ce produit. C'est de toute beauté. Ensuite, vous avez un autre article ici, assez choc, où on parle de ces corporations, ce sont des compagnies privées qui gèrent des prisons privées, qui utilisent les prisonniers comme étant finalement des esclaves, des gens à qui on fait faire du travail pas ou très peu rémunéré. Et puis vous avez une compagnie, en fait la plus importante aux États-Unis, qui s'appelle Corrections Corporation of America, qui est en train d'acheter un paquet d'affaires. Alors ils ont un coffre de 250 millions de dollars. Une corporation qui est listée sur le New York Stock Exchange. Et puis, ils ont envoyé une lettre à 48 États leur offrant d'acheter leur prison, cash, boom, et puis d'assurer leur profitabilité. La corporation qui insiste qu'ils doivent recevoir la garantie que les prisons vont être gardées à 90% pleines. Alors, le gouvernement qui va leur promettre, OK, on va garder vos prisons pleines. Nous, on va passer un paquet de lois pis tout. Comme ça, on va envoyer plein de clients parce que les prisonniers, c'est des clients. Ça rapporte de l'argent. Imaginez le système de malade. Et puis rendu, écoutez, c'est vraiment dépressant, là. Je veux dire, pensez à ça, là, quand on est rendu à ce point-là au 21e siècle. Quand on a une des plus importantes corporations du pays qui gère en fait des prisons privées, la documentation d'abus et de négligence des prisonniers dans les fameuses prisons de la CCA, la Corrections Corporation of America, est légion. On a plusieurs accusations de cas d'abus sexuels, de négligence médicale contre des femmes qui sont prisonnières, de garder des enfants dans des conditions inhumaines alors que leurs familles sont en attente de décision d'immigration des États-Unis. Une de ces installations les plus fulgurantes et l'installation à Hutto au Texas. Alors, il y avait déjà eu d'ailleurs un documentaire qui a été fait à propos de ça où on voyait les conditions là-dedans. Je vais vous dire une affaire, là. Si vous voyez ce qui se passe là, vous allez vous gratter la tête et vous demander si vous êtes bien en train de regarder des images qui viennent après des États-Unis. Alors, une autre preuve que tout ce système d'emprisonnement est complètement débile et inutile. Vous avez un très haut taux de récidivisme dans le système des prisons américains, environ à peu près 51% selon les estimés. Alors, cela, évidemment, garantit effectivement qu'il va y avoir beaucoup plus de prisonniers qui vont être jetés dans ce système privé pour le profit. Alors, mais évidemment, la question est de savoir, mais c'est à quel coût, non seulement pour ces prisonniers, mais pour la société au large. Ça, c'est évident, là. Écoutez, c'est vraiment pas un modèle qui fonctionne et qui travaille à l'amélioration de la société, mais qui travaille plutôt, en fait, à engraisser les coffres, évidemment, des systèmes de prison privés et publics. Pendant ce temps-là, ici, on parle dans une autre nouvelle du premier robot gardien de prison. Ouais, on s'en va vers ça. Imaginez, en plus, on va avoir des gardiens robots. Après ça, il y a tout le dossier assez scandaleux de la TSA aux États-Unis. Ça aussi, j'en parle régulièrement chaque semaine. C'est un dossier à suivre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment délirant aussi ce qui se passe là-bas. Là. C'est le corps qui assure la sécurité, supposément, là, dans les aéroports américains, qui finalement, de plus en plus, dérapent. Et puis, on les retrouve un peu partout. Maintenant, ils mènent des fouilles à bord de trains, d'autobus, ainsi de suite. On parle de monter même des checkpoints, ainsi de suite. Alors, ces gens-là, écoutez, ils croient qu'un petit enfant de 4 ans peut être un potentiel terroriste. Alors, vous avez tout le temps un paquet de nouvelles et puis de vidéos qui sortent régulièrement sur Internet où on voit ces agents de la TSA complètement débiles en train de fouiller là, le corps de petits enfants. On se demande si ce ne sont pas des pédophiles fous dangereux qui même ont ces emplois. Un enfant qui venait juste d'apprendre à l'école à propos des dangers des étrangers. Alors, on venait juste de leur expliquer à l'école, hein, qu'il fallait se méfier des étrangers, de ne pas se laisser toucher par des étrangers. Et puis là, il arrive à l'aéroport, et puis ses agents de la TSA commencent à les fouiller puis leur toucher de façon indécente. Et puis après ça, évidemment que l'enfant est entré dans une crise assez hystérique. Et puis, ces enfants-là ont, en fait, les responsables de la TSA ont déclaré que les officiels avaient suivi les procédures normales en conduisant cette fouille manuelle de l'enfant. Hein? Des procédures de fouille normales. Un enfant de 4 ans. C'est incroyable. Alors, vous avez plusieurs nouvelles de ce type-là. La TSA qui est en train de faire une dérape totale. On commence à mener des interrogations aléatoires et puis des fouilles de sacs sur des autobus à Houston. Vous avez une famille qui a manqué son vol après que la TSA a fait une fouille complète manuelle à une petite fille qui avait un problème cérébral, une jeune fillette de 7 ans. Alors, les agents qui avaient de la misère, évidemment, avec la pauvre petite de 7 ans, qui a des troubles cérébraux. Alors, on dit que les agents ont dû commencer à manipuler la jeune de façon agressive. Alors, il semble que la seule exigence pour se qualifier pour être un agent de TSA est l'absence réelle d'intelligence. C'est incroyable. Alors, voilà. Plusieurs nouvelles comme ça. La TSA qui continue de manipuler, de toucher les enfants dans les aéroports, vous avez une liste ici. Le TSA qui déclare que un enfant de 4 ans était une haute menace de la sécurité. On terrorisait la pauvre et sa mère. Plusieurs nouvelles comme ça. Après ça, vous avez de ces agents de TSA qui ont été arrêtés dans un autre réseau de trafic de drogue. Alors, vous voyez un peu le genre de personne que c'est. Ouais. Ensuite, la TSA qui, ça c'est à Los Angeles, d'autres agents qui sont accusés d'avoir importé 10 livres de cocaïne à l'aéroport de Los Angeles. Vous voyez le type de personnage auquel on a affaire. Donc, ça continue comme ça, je vais vous dire, il y en a des nouvelles assez troublantes, là. On apprend ici dans cette nouvelle-là, vous allez, tu sais, c'est toutes des nouvelles qui exemplifient à quel point que on est en train de voir sous nos yeux une dérape de nos gouvernements synchronisée, évidemment, au niveau mondial, vers la tyrannie. Que vous l'acceptiez ou non, que vous soyez d'accord avec ou pas, que vous pensez que c'est complètement malade ou pas, j'ai bien peur que ce soit une réalité. Vous avez une nouvelle ici, on apprend la localisation de 63 bases pour les drones qui vont être utilisées aux États-Unis. Des bases secrètes. Les États-Unis ont été forcés de révéler l'endroit où se trouvent 63 bases secrètes utilisées pour conduire des vols aériens avec ces fameux drones pilotés à distance pour l'espionnage domestique, c'est-à-dire l'espionnage à l'intérieur du pays même des États-Unis, pour cibler même potentiellement des gens. Avec même des armes pour les tuer. Est-ce que c'est assez inquiétant à votre goût? Alors, c'était une poursuite en cours qui a forcé la AA de révéler ces informations-là. S'il peut y avoir un soulèvement majeur aux États-Unis, vous pouvez vous attendre à ce que ces drones soient utilisés pour attaquer les gens ou pour en tout cas s'en servir pour les espionner et travailler contre eux. Vous savez que ces drones peuvent transporter des armes létales. Et puis on peut même leur ajouter soit des bombes ou des balles, des munitions. Alors, on poursuit une nouvelle intéressante ici. Un juge de New York a rendu un jugement disant que l'adresse IP de votre ordinateur n'est pas une personne. Alors, vous avez plusieurs fouilles Internet qui ont été faites par rapport aux activités de téléchargement de matériel sur des ordinateurs personnels. Et puis, la Cour a rendu un jugement disant que on peut pas accuser une personne parce qu'on peut pas associer une personne à une adresse IP. Effectivement. Le gouvernement canadien, ici, s'était fait prendre à travers un autre organisme qui était supposé veiller à la Commission des droits et libertés, un truc du genre, en tout cas, un truc complètement délirant, un beau nom, mais en fait, on surveillait la population et puis on utilisait, dans certains cas, les réseaux de certaines personnes pour aller sur différents sites et puis après ça accuser la personne d'être allée sur ces sites-là. Imaginez, je suis complètement débile, mais c'est comme ça que les gouvernements sont rendus là. Alors, comment peut-on associer une adresse IP à une personne? C'est bien certain. Donc, ensuite, vous avez un petit dossier ici sur, encore là, le réchauffement climatique entre parenthèses, là, refroidissement climatique. Un ancien héros du mouvement environnemental en Allemagne a déclaré qu'on a été mal guidé, en fait, désinformé, si vous voulez, par le GIEC, à propos des fluctuations naturelles dans le climat dans les dernières milliers d'années. Alors, on parle de ce fameux hockey stick, là, ce genre de graphe là qu'on nous présente souvent en forme de hockey, de bâton de hockey, et qui supposément montre les températures globales là, qui augmentent et qui sont parmi les plus hautes dans les dernières 1000 ans. Eh bien, c'est maintenant ce personnage, Andrew Mumford, est devenu maintenant très critique à propos de ces informations-là, alors qu'il a commencé à réaliser qu'on a été désinformé par le GIEC à propos des fluctuations naturelles du climat. Alors, on disait que lui, il déclare que le but principal du GIEC a été de se débarrasser de ce qu'on appelle la période chaude médiévale, the medieval warm period, une période très chaude autour de l'année 1000, alors que les Vikings s'étaient installés au Groenland et qu'ils étaient capables de vivre là pour à peu près 200 années. Après cette période très chaude, on a eu la petite âge glaciaire qui a aussi coïncidé avec une période plus calme du soleil. Alors, vous avez eu plusieurs documents qui ont été publiés dans les dernières années qui montrent que la petite âge glaciaire n'était pas un phénomène européen local, comme le suggérait le GIEC. Donc, on a eu des périodes plus chaudes qu'en ce moment. On a eu des refroidissements climatiques. Et puis là, apparemment qu'avec le refroidissement, en fait, l'accalmie solaire, on ferait face à un refroidissement climatique. Vous avez différentes nouvelles qui vont dans ce sens-là. La neige qui est retournée au nord de la Suède. Alors, de la neige qui est attendue dans différentes villes là-bas. Vous avez en Grande-Bretagne aussi qui faisait face à une vague de froid assez intense, là, les températures qui devaient descendre jusqu'à moins 9 degrés Celsius les derniers jours. Ensuite, une nouvelle fort intéressante aussi, on apprend dans le Daily Mail, on a placé des petits émetteurs GPS pour suivre les ours polaires en Arctique. Et puis, on a trouvé que les ours polaires pouvaient nager sans s'arrêter pour plus de... jusqu'à 10 jours de temps, imaginez. Alors, on a trouvé que les ours polaires pouvaient nager plus de 400 000. Alors, 400 000, multiplier ça par 1,6, là, ça fait au-dessus de 600 km sans s'arrêter, selon les chercheurs. Alors, quand on a peur que les pauvres petits ours polaires se noient et puis tout, ils ont plus de glace, ben, premièrement, je vous avais parlé il y a quelques émissions qu'on a trouvé que la population des ours polaires avait beaucoup augmenté, il y avait beaucoup plus d'ours polaires qu'on nous le rapportait. Et puis, on s'aperçoit que ces ours polaires sont loin d'être en détresse et puis même qu'on est à un retour des niveaux des glaces en Arctique à peu près comparable à ce qu'on a eu dans les années 80. Alors, il va falloir essayer d'arrêter d'halluciner aussi. Pendant ce temps-là, ben, vous avez les fameux activistes verts qui se sont rassemblés lors du jour de la Terre. Et puis, vous avez un article ici qui parle de ces fameux activistes verts, ces gens qui se drapent de belles intentions, de belles motivations, de défenseurs de l'environnement, alors qu'ils se rencontrent sur un site à l'extérieur lors du jour de la Terre, et puis on voit les photos de ce que ces gens-là qui se disent protecteurs de l'environnement ont laissé derrière eux. Un champ d'ordures sur la belle pelouse, autour des arbres, et ainsi de suite. Ces gens-là qui disent vouloir défendre la planète contre la pollution, et ainsi de suite, sont les premiers à polluer derrière eux. Eh oui, les deux poids, les deux mesures, les contradictions. Un professeur émérité en physique à l'Université de la Californie croit que l'agenda 21 et ses politiques doivent être implémentés aux États-Unis. Et puis, on parle ici de... Vous avez ce représentant américain, Roger Dittman, qui appelle pour une dépopulation mondiale. Un autre exemple de ça, vous avez la Royal Society qui croit que la dépopulation va sauver l'environnement. Alors ça, c'est un autre exemple de ce type d'élite qui croit qu'on doit dépopuler la planète pour que les autres puissent en jouir mieux. À votre dépens. Alors, si ces gens-là croient qu'on doit dépopuler la planète, pourquoi ne commencent-ils pas avec eux-mêmes et leur propre famille, s'ils y croient tant que ça? Hein? C'est étrange que ces personnes-là appellent pour la dépopulation de la planète, mais c'est jamais eux que ça concerne, c'est vous. Alors, vous avez cette élite globale qui ont plusieurs différents clubs qu'ils fréquentent, où ils discutent de plans pour implémenter leur plan de gouvernance globale. Un de ces groupes-là, c'est la Royal Society. C'est un groupe d'establishment qui est vieux de plus de 350 ans et qui comprend plusieurs élitistes globales et qui font la promotion de cette fraude des changements climatiques qui masque leur agenda de dépopulation. Donc, c'est ces gens-là aussi qui sont derrière ces fameux lobbies très puissants qui poussent les officiels élus à supporter ces fameuses taxes globales contre le carbone et qui vont diriger des montants d'argent exorbitants dans les mains de l'élite. Et puis, pour financer leur marche vers une gouvernance globale mondiale. Donc, plusieurs articles qui vont dans ce sens-là. Ensuite, vous avez une nouvelle assez incroyable encore là. Je veux dire, désolé de répéter ce mot-là, mais je veux dire, c'est à se frotter les yeux. On a pris des gènes humains. Et puis, on les a introduits dans une expérience génétique, dans du riz modifié génétiquement, qu'on a commencé à faire pousser au Kansas, aux États-Unis. Eh ben ouais, vous avez bien entendu. On est en train de tester une récolte de riz modifié génétiquement qui contient des gènes humains. Bon, ça a été fait par la compagnie de biotechnologie Ventria Bioscience, qui présentement fait pousser plus de 3200 acres à Junction City au Kansas. Possiblement ailleurs aussi. Ben, on ne le sait pas. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Alors, depuis 2006, Ventria, de façon très silencieuse, là, sans en faire grand cas publiquement, là, cultive du riz qui a été génétiquement modifié avec des gènes provenant du foie humain. Et puis, on essaye de faire des protéines artificielles pour les utiliser dans des produits pharmaceutiques avec l'approbation du département de l'agriculture des États-Unis. Bon. C'est à se gratter la tête, à se mettre en tête des murs, chers auditeurs. Des décisions qui sont prises et qui sont approuvées par le gouvernement et qui vont avoir des conséquences complètement inconnues. Vous avez des chimistes qui déclarent le fluor comme étant une des plus importantes menaces contre la santé publique des temps modernes. Lui, il explique qu'une fois ingéré, des composés du fluorure attaquent l'intégrité structurelle de notre corps à l'intérieur. Alors, un article encore là, allez consulter. On en parle régulièrement de ce fluorure toxique que vous consommez un peu partout, soit dans les pâtes à dents que vous consommez. Vous la mettez dans vos bouches, dans votre bouche. Les produits dentaires, ainsi de suite. On l'utilise en agriculture, dans les pesticides, blablabla, ça se retrouve partout. Quelques articles où on parle de deux évidences encore qui viennent contredire la théorie du Big Bang. Alors, ça aussi, là, c'est un sujet que peu de personnes osent réellement affronter de face, là, mais plus notre science avance, là, par rapport à des découvertes de l'espace, on a bien de la misère à faire cadrer nos trouvailles avec la théorie du Big Bang. Le Big Bang, c'est juste une religion déguisée comme une science. Mais c'est complètement imaginaire. On est en train de réaliser que l'univers est pas né d'un grand Big Bang. Puis on a de plus en plus d'évidence de ce qu'on découvre dans l'espace pour supporter ça. Vous avez deux articles ici qui parlent de ça. Des astronomes de l'université de Bonn en Allemagne qui ont découvert une vaste structure de galaxies satellites et puis d'amassés d'étoiles qui entourent notre galaxie, qui s'étendent sur plus d'un million d'années-lumière. Et puis, ce travail-là, évidemment, challenge l'existence de la matière noire, qui fait partie du modèle standard de l'évolution de l'univers. Alors, il y a plein d'affaires comme ça qui se passent, qui viennent remettre en question cette affaire-là. Ici, on dit qu'une autre étude la plus poussée jusqu'à date du mouvement des étoiles dans la Voie lactée a trouvé aucune évidence de matière noire dans le large volume autour du Soleil. Vous avez un article qui explique ça, là. Et puis, voilà, donc c'est à vous mettre dans la pipe et penser à ça. Ensuite, aux États-Unis, on continue. Vous avez ce fameux sommet qui va se passer à Chicago. Ça fait quelques semaines aussi que j'en parle. On est en train de se préparer à quelque chose. Je sais pas, une fausse attaque terroriste, là. Je sais pas c'est quoi, là, mais il y a plusieurs indices, là, plusieurs drapeaux rouges qui s'adressent et puis qui doivent attirer notre attention sur ça, là. Vous avez un informateur de la DHS, là, du Homeland Security, qui dit qu'on se prépare pour une massive guerre civile aux États-Unis. Dans une entrevue sur True News Radio, vous avez un enquêteur privé, Doug Hagman, qui a déclaré que, selon des sources très importantes qui viennent du Homeland Security, que le DHS se prépare pour une guerre civile massive aux États-Unis. On dit que la DHS se prépare à un effondrement massif de l'économie. Donc, vous avez plusieurs indices là qui viennent, si vous voulez, corroborer cette histoire-là. Plusieurs trucs aussi qui sont réels là-dedans. Je veux dire, il y a un roll-ball total de la population américaine, ça c'est certain. Vous avez d'ailleurs quelques incidents qui commencent à se produire, comme ici un engin explosif improvisé qui a été lancé à une banque, c'est la Bank of America, là. Vous avez une vidéo de ça, alors vous voyez, les gens commencent à cibler les vrais terroristes, les terroristes financiers. Et puis là, ben vous avez ce fameux sommet là qui va se passer, et puis aux États-Unis, là, où on va évidemment installer des mesures de sécurité absolument incroyables. très, très, très poussé. Le sommet de l'OTAN qui va se passer là. Alors, on va faire face à des mesures de sécurité assez intenses là, dans les différents moyens de transport public. Vous avez évidemment les services secrets qui vont être partout. Donc, des articles là, qui parlent de ça. Peut-être que les gens qui habitent à Chicago devraient évacuer Chicago là, avant cet événement là, de l'OTAN. Et puis peut-être revenir un coup que tout va être terminé. Là. On se prépare à quelque chose là-bas. Vous avez une zone de vol contrôlé. En fait, on va interdire les vols d'engins aériens au-dessus de l'endroit où va se tenir le sommet de l'OTAN. Un no-fly zone. Donc ça va être mis en place entre le 19 et le 21 mai. Alors, ces rapports ont été révélés par CBS, entre autres. On veut supposément garder les résidents et puis les dignitaires qui vont se réunir pour ce sommet de l'OTAN. On veut les protéger et puis là, on va établir cette zone au-dessus de Chicago où aucun appareil ne pourra voler. Donc, c'est assez spécial aussi comme information. Là, aucun appareil va être accepté en bas de 18 000 pieds, alors ce qui équivaut à peu près à 6 000 mètres. Sur un rayon de 10 000 nautiques à partir du downtown de Chicago, du centre-ville de Chicago. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Vous devez comprendre là, qu'il y a différents indices qui nous permettent de croire là, qu'il pourrait se passer quelque chose. Là. On pourrait faire peut-être éclater une bombe qu'on va blâmer sur l'Al-Qaïda ou sur l'Iran. Je sais pas, il y a les élections en Israël qui se passent aussi. Netanyahou qui a une fenêtre d'ouverture pour une attaque sans le conseil et le consentement du Knesset entre le 17 et le 23 de ce mois-ci. Parce que là, on a dissous le gouvernement là-bas en vue des prochaines élections. Et puis, peut-être qu'on va avoir besoin de fabriquer une justification pour attaquer l'Iran. Alors, on pourrait faire une fausse attaque, blâmer sur les Iraniens contre des délégués de l'OTAN, une organisation que Israël aurait bien aimé se joindre à, si vous voulez, depuis plusieurs années. Puis là, ben, pour ce sommet de l'OTAN, vous avez des hôpitaux de Chicago qui ont performé. En fait, c'est un anglicisme, là, parce que je suis en train de vous traduire le titre de la nouvelle. Bon, je pense qu'on peut dire ça en réalité, là. Écoutez, des hôpitaux de Chicago qui ont mené des drills, okay, des exercices simulant des attaques à la bombe sale. Alors, ça, des bombes sales, ça veut dire contenant des éléments radioactifs là-dedans. Ah, voilà, ces fameux indices. Alors, vous avez un autre article ici qui parle de ça, de ces fameuses dirty bombs, des attaques avec des bombes sales, radioactives. Ensuite, vous avez un article ici qui parle de l'armée américaine qui empile, fait des réserves, des tonnes, en fait, de pilules anti-radiation pour protéger ses troupes. Donc, ça, c'est assez spécial aussi, là. Vous avez The Federal Business Opportunity Network et qui ont trouvé une liste, la Defense Logistics Agency, qui fait partie du Troop Support Branch, la branche du support des troupes, qui cherchait à acheter des tablettes de diode de potassium. Donc, on se prépare à quelque chose. Après ça, vous avez des documents qui supposément révèlent des plans de l'Al-Qaïda pour prendre contrôle de bateaux de guerre. On parle de carnage en Europe. Alors, vous voyez là, comment on est en train de vous préparer mentalement. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ben, vous avez le FBI qui a fabriqué un autre supposé attaque terroriste. On a arrêté 5 anarchistes dans un complot pour faire exploser le pont de Cleveland. Donc, le FBI qui met en place ou fomente ou encourage des groupes à faire des types de trucs comme ça, terroristes, avec des agents d'infiltration, des agents provocateurs aussi. Et puis après ça, ils alimentent ces groupes-là, leur fournissent les bombes, les plans, puis tout. Après ça, ben ils procèdent à leur arrestation. Puis là, ben ils montrent ça dans les journaux, dans les médias, comme si on venait d'arrêter une nouvelle menace, une nouvelle attaque terroriste. Quand même assez, douteux comme pratique, n'est-ce pas? Alors, vous avez un autre type d'attaque qui supposément c'est c'est produite où on en parle d'enveloppe avec la poudre blanche qui a été envoyée à des maires et puis 6 banques qui apparemment auraient été orchestrées par le mouvement Occupy Wall Street. Donc, des tactiques encore là pour démoniser les manifestants. Les autorités qui disent que l'Al-Qaïda est en train de planifier une attaque avec des bombes qu'on va strapper au corps dans une nouvelle ronde d'attaques terroristes à l'intérieur des États-Unis. On parle maintenant, écoutez, c'est débile là, comment on pose ça. Là. Vous avez des officiels américains qui ont déclaré qu'on va utiliser des nouveaux types de bombes, on va implanter des explosifs. Alors, apparemment que des affiliés d'Al-Qaïda au Yémen seraient en train de planifier de se rendre aux États-Unis puis passer la sécurité de TSA dans les aéroports en se faisant implanter des bombes à l'intérieur du corps. Ouais. Ça laisse pantois. Pendant ce temps-là, vous avez le World Trade Center, le Freedom Tower, qu'on appelle maintenant, qui est maintenant le plus haut bâtiment à New York, alors que la rhétorique terroriste continue. Au sommet de l'OTAN à Chicago, on va annoncer l'activation du bouclier antimissile européen. Alors que la Russie, les officiers top militaires de la Russie ont menacé de mener des attaques préventives si Washington va de l'avant avec son plan de construire un bouclier antimissile de défense en Europe de l'Est. Alors, voyez un peu ce qui se trame de ce côté-là. Rien de bon. Pendant ce temps-là, vous avez le Department of Homeland Security, le fameux DHS dont je parlais, qui, eux autres, se préparent à relâcher des bactéries dans les stations de métro de Boston. Vous avez bien entendu, le Homeland Security qui a annoncé leur intention de relâcher des bactéries dans les subways, donc les métros, les transports en commun, pour tester les senseurs biologiques. Ouais. Alors, pendant ce temps-là, on voit les vrais terroristes à l'œuvre, n'est-ce pas? Une autre nouvelle ici qui vient du Activist Post. On prend le temps de vous informer sur la nature potentiellement mortelle de les armes supposées non mortelles confirmées par une nouvelle recherche. Alors, on parle évidemment des tasers. On dit que ce sont des armes non mortelles, mais elles le sont mortelles, chers auditeurs, elles le sont. Pendant ce temps-là, Obama qui a signé des ordres exécutifs déclarant la loi internationale pour les États-Unis. Alors, on est en train de dissoudre les États-Unis dans cette fameuse gouvernance mondiale. Ben oui, c'est en train de se faire sous vos yeux. Pendant ce temps-là, on parle de la militarisation des Balkans. Est-ce que c'est dirigé contre la Russie? Alors, les États-Unis qui mènent les exercices aériens de combat les plus importants de l'histoire de la Bulgarie. C'est un des exercices communs qu'ils ont mené là-bas. Alors, toutes sortes de mouvements comme ça qui se passent. La terreur, ça aussi, c'est une nouvelle décoiffante. OK, écoutez ça. On a réouvert des camps d'entraînement de terroristes au Kosovo pour les rebelles syriens. Wow! Vous avez une délégation de rebelles syriens qui a fait un pacte avec les autorités de Pristina dans un échange d'expériences de guerre partisane. Alors, vous avez l'opposition syrienne qui a envoyé des militants au Kosovo pour adopter des tactiques qui ont été utilisées pour chasser le... En fait, qui vont être utilisées pour chasser le président Bachar Assad. Ça s'est passé le 26 avril dernier, alors que cette délégation de membres de l'opposition syrienne, qu'on dit, ben oui, en fait, des terroristes, des mercenaires privés, engagés par les États-Unis puis Israël. Alors, ces gens-là se sont rendus là-bas au Kosovo pour apprendre du Kosovo Liberation Army, le KLA. Ça, c'était rapporté par Associated Press. Et rappelez-vous que le KLA était classé comme étant une organisation terroriste. C'est délirant, les nouvelles. C'est délirant quand vous lisez ça. Pendant ce temps-là, vous avez une vidéo ici, sous la table, des anciens mercenaires de Blackwater en Syrie, supportés par les États-Unis. Vous allez voir une petite nouvelle par rapport à ça. Ben oui, des mercenaires privés de Blackwater qui sont en Syrie. OK, tout va bien. Alors, une autre affaire qui documente ça. Pendant ce temps-là, ben le gouvernement canadien qui finance des groupes terroristes en Syrie, vous avez une vidéo de ça aussi. Le ministre des Affaires étrangères, John Baird, apparaît dans les médias du Qatar et puis affirme que le Canada applique un support partisan pour les rebelles syriens. Ah ouais. Et Monsieur Baird a déclaré que la politique du Canada dans le Moyen-Orient est motivée par les droits humains. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Alors qu'il demeure silencieux dans ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en Palestine. Hein? On s'en fout, là, ce qui se passe là-bas. En Arabie Saoudite, on s'en fout. Qatar, on s'en fout. Ce qui se passe au Bahreïn, on s'en fout. Oh, regardez ce qui se passe en Syrie. Ah, oh, mon Dieu, qu'on est là. Hein? Ah oui, c'est fantastique. Alors, ouais, c'est ça. Alors, vous allez apprendre là-dedans que le gouvernement canadien est en train d'aider des groupes terroristes. On fait passer pour des patriotes syriens, okay, et qu'on est engagé dans cette guerre de la terreur contre les habitants du Moyen-Orient. Il est aussi très clair que le régime sioniste a des intérêts dans la déstabilisation de la Syrie. Alors, il est assez difficile en tant que Canadien, de trouver quel type d'intérêt national on peut avoir en ce moment même, là-bas en Syrie, de voir notre gouvernement canadien imposer des mesures d'austérité aux gens du Canada alors qu'on dépense de l'argent pour supporter des rebelles, des mercenaires en Syrie pour déstabiliser ce pays-là. Et une autre nouvelle fort frappante ici, l'opposition syrienne, Mossad, Blackwater, des opérations menées par la CIA aussi à Homs, des armes qui proviennent d'Israël. Alors, vous avez des rapports et puis des acomptes des gens, des témoignages. Alors, qui pointent à la présence de forces étrangères en sol syrien qui opèrent à travers les rangs des forces de l'opposition. Alors, ben oui, ça aussi, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Donc, on retrouve tous de ce type de gens-là. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'opposition syrienne. Et puis, on a fait l'essai de vous passer ça dans les médias comme si c'était le peuple syrien qui s'opposait au régime d'Assad. Vous avez les Nations Unies qui sont complètement muets par rapport au fameux escadron de la mort en Syrie. Vous savez d'ailleurs le Human Rights Watch qui a concédé que, en fait, l'opposition syrienne, la Free Syrian Army, conduisait des abus systématiques, répandus, incluant le kidnapping, la torture, le meurtre, autant des forces de sécurité que des civils. Le Human Rights Watch a aussi rapporté que les groupes d'opposition armés en Syrie commettaient des abus alors qu'ils se laissaient placer en trois catégories, donc kidnapping, torture et exécution. On dit que le rapport a essayé de focuser principalement sur les atrocités qui sont menées contre les forces de sécurité et contre les supporters du gouvernement, avec les mentions de victimes civiles aussi. Donc, ce n'est évidemment pas un dossier où on peut réellement dire qu'on essaie d'établir la démocratie ou la liberté en Syrie. Ceci est à propos d'un changement de régime pur et simple, dans le but ultime de déstabiliser toute la Syrie en vue d'une attaque militaire contre l'Iran. Alors, ces fameux rebelles syriens ont lancé maintenant des raids à partir de l'océan, alors que vous avez le Liban qui a saisi des armes. Donc, vous avez le Liban qui a déclaré que son armée de la marine a saisi des armes qui étaient destinées pour les rebelles. Vous voyez de plus en plus ces forces-là qui sont organisées de l'extérieur de la Syrie et non de l'intérieur par la population. Vous avez des opérations militaires internationales qui se préparent tranquillement, qui c'est dans l'air. Vous avez les États-Unis et ses alliés qui préparent leur plan militaire pour une intervention en Syrie. Vous avez un plan pour la paix des Nations Unies qui a été mis en place, mais qui a été designé pour faire échec, pour donner l'apparence qu'on a tout essayé puis qu'on n'a pas le choix d'avoir une confrontation militaire. Vous avez les rebelles syriens qui ont lancé des attaques à Damascus, et puis semé la violence. Donc, c'est en train de devenir un pattern qui se répète, là, réellement. Là, vous avez la CIA et le Mossad qui introduisent de façon clandestine des armes à l'intérieur d'une nation, avec des agents provocateurs entraînés dans des endroits, des bases d'entraînement de terroristes américains, comme au Koweït. Ensuite, on insère des agents qui recrutent et arment les supposés Freedom Fighters pour après ça lancer un coup contre le gouvernement ciblé. Et puis ensuite, quand le gouvernement se défend contre ces insurgés armés, les États-Unis et puis Israël crient au meurtre à propos d'une crise humanitaire et puis après ça envahit le pays. Puis un coup que le gouvernement ciblé est sorti du pouvoir et que de nouvelles marionnettes sont placées au pouvoir, le peuple souffre. Et puis là, vous avez les fameux money junkies, les drogués de l'argent, pour ceux qui se déplacent vers la prochaine cible. Pendant ce temps, en parlant de prochaine cible, vous avez des stratégistes du Pentagone qui ont déclaré que 3 semaines seraient suffisantes pour défaire l'Iran, pour gagner contre l'Iran. Ces mêmes personnes qui déclaraient que Saddam Hussein avait des armes nucléaires, que la guerre en Irak prendrait que quelques semaines. Les mêmes gens qui vous ont dit que la guerre en Afghanistan prendrait quelques semaines, alors qu'on a appris cette semaine qu'on va garder des forces et qu'on va continuer de combattre à l'intérieur de l'Afghanistan jusqu'en 2024, selon un nouveau pacte avec Obama. Ces gens-là qui disent maintenant que défaire l'Iran va prendre seulement 3 semaines. L'Iran qui est une nation pas mal plus puissante que l'Afghanistan puis l'Irak. Vous avez un chef militaire israélien qui se dit prêt à attaquer l'Iran si on en reçoit l'ordre. Vous avez la TV israélienne qui rapporte encore là des préparations pour attaquer l'Iran. Alors, les forces de l'air israéliennes qui se pratiquent une attaque imminente. Le Pentagone qui a des plans pour attaquer l'Iran, avec des centaines de missiles Tomahawk qui sont déployés proche de l'Iran. Une sorte de nouvelles comme ça, vraiment fascinantes. Ensuite, pendant ce temps-là, il y a une chance, on a encore des personnes lucides en Israël. Vous avez Yuval Diskin, un ancien chef des services du renseignement israélien, qui lui a sévèrement critiqué la position de Netanyahou par rapport à l'Iran. C'est l'ancienne tête ça, du Shin Bet qui a accusé les leaders politiques d'exagérer l'efficacité d'une possible attaque militaire contre l'Iran. Lui est en train de dire que le premier ministre Benjamin Netanyahou puis le ministre de la Défense Ehud Barak ont leur jugement, si vous voulez, affecté par des sentiments messianiques et qui ne devraient pas être à qui on ne devrait pas faire confiance pour mener une politique contre l'Iran. Donc, évidemment que ça a fait grincer des dents maudites en Israël, particulièrement les dents de Netanyahou. Il y a encore des gens très importants en Israël qui voient clair réellement et puis qui lancent des cris, si vous voulez, à l'accalmie, qu'on devrait écouter de très braves Israéliens. Donc, vous allez voir d'autres nouvelles qui vont dans ce sens-là aussi. Très intéressant. Ici, vous avez le premier, en fait, c'est Israel Deputy Prime Minister Dan Meridor qui a admis que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad n'a jamais déclaré que l'Iran voulait nettoyer Israël de la carte. Dans une interview à Al Jazeera la semaine passée. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que c'est un mensonge que les gens ont tendance à croire. Ahmadinejad n'a jamais déclaré vouloir nettoyer Israël de la carte. Ok, c'est une mauvaise traduction, de bien mauvaise foi, de bien mauvaise intention. Donc là vous avez des gens même du gouvernement israélien qui avouent ce fait-là. Alors très intéressant. Pendant ce temps-là, Israël qui reçoit son quatrième sous-marin allemand capable de lancer des missiles nucléaires. Alors, voilà la menace au Moyen-Orient. Vous avez un article ici fort intéressant aussi où on expose ce fameux secret dangereux d'Israël. Alors ici, on parle de ce fameux programme nucléaire, chimique et biologique israélien. Ensuite, vous avez un autre chef militaire israélien qui mérite tout notre respect en confirmant que l'Iran n'a pas encore décidé de construire des armes nucléaires. Donc ça aussi c'est intéressant. Peut-être qu'il faudrait écouter ces gens-là. C'est ce qu'on appelle écouter l'Israeli Defense Force Chief of Staff Lieutenant General Benny Gantz. Alors il a le nom, là, je ne peux pas traduire ça en français, là, le nom c'était tellement long. Là. Vous voyez que c'est pas une tête de linotte, là. Alors, le chef des forces de défense israéliennes, le lieutenant général Benny Gantz. Alors, lui, il a déclaré ça au Haaretz, un média important israélien. Alors, un des top généraux israéliens qui contredit Netanyahou. Qui a raison? Les fous idéologiques comme Netanyahou ou ben non, des généraux qui voient les choses de façon très terre-à-terre et stratégique. Pendant ce temps-là, on a des rapports qu'Israël a tué 5 personnes et kidnappé plus de 285 personnes en avril, dont 45 enfants. Vous avez des groupes sio-nazis qui ont attaqué des universitaires qui étaient critiques d'Israël. Alors, c'est un groupe de juifs suprémacistes qui ont lancé une campagne de diffamation contre un groupe de professeurs et d'académiciens de campus nord-américains qui ont osé critiquer les politiques racistes israéliennes contre les Palestiniens. C'est un groupe appelé Campus Watch qui est mené par David Horowitz et un autre extrémiste sioniste qui a publié justement des annonces incitant à la haine contre un groupe de professeurs qui sont présents sur des campus américains. Bon. Ensuite, pendant ce temps-là, vous avez Gulf News qui rapporte qu'Israël a banni des livres scolaires qui faisaient la promotion des droits des Arabes. Vous allez voir une couple de nouvelles assez particulières ici. Vous allez voir, il y en a des Juifs ou des Israéliens qui sont très valeureux et très courageux oser élever leur voix et puis parler de ce non-sens. Vous savez, la police israélienne qui ont arrêté un activiste israélien, et puis ce valeureux personnage, c'est un Israélien, là. Il est avec son livre sur la photo, vous allez voir ça, il récitait des noms de villages palestiniens qui ont été détruits. Et puis, les policiers ont dit à ce valeureux homme israélien, si tu continues de lire ces noms-là, tu vas être placé sous arrestation. Alors, il a été effectivement arrêté par la police et on l'a arrêté de le lire. Lui, il lisait le nom des villages qui ont été démolis lors de la Nakba. Des villes comme Tel Aviv qui est construite sur des villages palestiniens qui ont été complètement rasés de la carte. Eux autres ont été littéralement et déjà rasés de la carte. Donc, lui, il lisait Sheikha, Mouanis, Abu Kabir, Salama. Il fait partie d'un paquet de villes comme ça. Jilil, Shamal, Livia, Shawalima, Yazur. Des douzaines de villes comme ça qui ont été effacées de la carte par les politiques des faux sionistes. Des musiciens qui ont été punis pour leur critique publique d'Israël. Alors, vous voyez, que vous soyez un artiste, un musicien, que vous soyez un universitaire, que vous soyez peu importe, si vous osez critiquer Israël pour ses politiques, pas pour sa religion, pas pour leur race, pas pour leur appartenance religieuse, pour leur politique, leur idéologie politique, leur acte. Si vous osez faire ça, on va vous punir, vous allez perdre votre job, vous allez vous faire taxer d'antisémitisme, ainsi de suite. Là, vous avez le London Philharmonic qui a maintenant été la cible de ça. Donc, ça continue de plus belle. Vous avez plusieurs nouvelles de ce type-là. Des mobilisations de masse Israël qui ont amené des groupes de réservistes, des bataillons à la frontière. Frontière, c'est 22 bataillons de troupes pour protéger le pays des tensions montantes avec l'Égypte et puis du conflit avec la Syrie. Alors, ça aussi, c'est un dossier fort intéressant. Vous avez l'Égypte post-révolution qui a coupé le pétrole à Israël, le gaz. Alors, c'était une entente qui se poursuivait depuis à peu près 30 ans. Et puis là, ben, poup, on a arrêté l'acheminement du pétrole vers Israël. Alors, évidemment que là, ça va commencer à brasser pas mal dans ce coin-là. Donc, vous allez voir plusieurs niveaux à ce niveau, plusieurs nouvelles à ce niveau-là. Le premier ministre qui parle des élections ne va pas arrêter la guerre. Le meilleur moment d'attaquer, c'est maintenant, juste avant les élections américaines. D'autres pays se préparent pour une possible attaque contre l'Iran. L'Iran, nouvelle fort importante, et si l'Iran pourrait accepter des inspections éclair et non annoncé des inspecteurs de l'ONU, alors ce qui enlèverait maintenant toute justification pour une attaque contre l'Iran, n'est-ce pas? Les étudiants israéliens qui vont gagner 2 000 $ pour répandre la propagande israélienne, en fait du gouvernement israélien sur Facebook, alors c'est le National Union of Israeli Students, qui est devenu maintenant un partenaire à temps plein du gouvernement israélien pour répandre sa propagande sur l'Internet et sur les campus de collèges autour du monde. Alors, c'est un nouveau programme pour payer les étudiants universitaires israéliens plus de 2 000 $ pour répandre la propagande pro-israélienne. Alors, ils doivent faire ça pendant 5 heures sur l'Internet par semaine, à partir du confort de la maison. Alors, c'est une union avec des partenaires avec la Israel's Jewish Agency qui vont envoyer des étudiants israéliens comme missionnaires pour répandre la propagande dans d'autres pays. Et puis, ils vont recevoir de l'argent. Donc, on peut maintenant simplement assumer que quiconque dit quoi que ce soit de positif à propos d'Israël est payé pour le faire. Donc, aucune crédibilité. L'Égypte coupe le gaz à l'entité sioniste. Courrier international. Le Caire donne le coup de grâce aux relations bilatérales dégradées. Se félicite le quotidien Panarabe. Les autorités égyptiennes ont annoncé le 22 avril avoir annulé l'accord avec la compagnie égyptienne qui exporte du gaz vers Israël. Ce contrat négocié sous le régime de Hosni Moubarak était très tiqué en Égypte. Le prix du gaz était notamment jugé trop bas. Le gazoduc alimentant Israël avait été régulièrement visé par des attentats depuis le soulèvement qui a renversé Moubarak. 43% du gaz consommé en Israël provient d'Égypte. 43% du gaz consommé en Israël provient d'Égypte. 43% du gaz consommé en Israël provient d'Égypte. Avez-vous compris? Après ça, vous apprenez des nouvelles comme des bataillons israéliens sont appelés d'urgence pour être déployés le long de la frontière égyptienne. Est-ce qu'ils tentent de se préparer quelque chose? On ne mobilise pas ce type de nombre de troupes sans intention de les utiliser. Netanyahou est en train de tomber dans une panique messianique par rapport au meeting de l'Occident avec l'Iran qui vont commencer le 23 de ce mois et qui pourrait produire un accord pas mal plus intelligent et concret par rapport au programme nucléaire iranien sans mener une guerre. Et puis Netanyahou ne va pas laisser ceci se passer. Alors, on monte maintenant même des clôtures. Israël qui se sépare du Liban, de l'Égypte. On dresse des structures et puis on déplace des troupes. Israël qui prédit des attaques à la roquette dans le désert du Sinaï. C'est le bureau israélien du contre-terrorisme qui a lancé cette alerte. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare là. Israël qui a appelé de façon urgente ses citoyens à quitter immédiatement le Sinaï, à quitter immédiatement, entre guillemets, le Sinaï. Les attaques terroristes pourraient se produire rapidement, ou peut-être qu'on pourrait envahir l'Égypte juste pour leur rappeler qui est le boss, qui vient en premier. 43% du gaz que l'Israël consomme provient de l'Égypte. Les États-Unis déploient des F-22 dans les Émirats arabes unis. En train de se préparer aussi avec le matériel. Plusieurs sources qui parlent de ça. Nous allons aborder le dossier de Fukushima. Le dossier de Fukushima qui est encore très chaud, qui donne même les impressions d'être un peu un monde parallèle. Je m'explique dans le sens que si vous suivez un peu le dossier de Fukushima, si vous savez où trouver les bonnes sources d'informations et puis vous regardez sur le plan international et autant au Japon aussi ce qui se passe, vous allez comprendre ce que je vais vous dire dans ce dossier. C'est-à-dire que la situation est des plus critiques et puis je crois qu'il y a de plus en plus un consensus très fort et très pressant qui est en train de se former au niveau international à travers plusieurs experts et ainsi de suite dans le domaine nucléaire sur lequel on s'entend pour dire que la situation à Fukushima est tellement grave, particulièrement avec cette fameuse piscine, cet énorme bassin dans lequel on garde les déchets nucléaires, les déchets qui sont déjà utilisés, qui ont été utilisés dans les réacteurs nucléaires. Alors, on a stocké comme ça des déchets depuis 35 ans à Fukushima, particulièrement dans le bassin du réacteur numéro 4, du bâtiment numéro 4. Et puis, au lieu d'avoir quelques kilogrammes comme un réacteur normal en contient, cette piscine en contient environ 1600 tonnes. Et puis, la structure de cette piscine, de ce bassin qui contient du combustible nucléaire utilisé, eh bien, cette structure est chambranlante, pour dire le moins, c'est-à-dire qu'on a renforcé le fond de ce bassin qu'on a pu voir sur des images très récemment. Donc, on a un genre d'échafaudage métallique, là, vraiment pas très impressionnant, soit disant en passant. Et puis, Arnie Gunderson, un expert, un ingénieur dans le domaine nucléaire, nous explique qu'en réalité, le bassin est quand même moins résistant qu'originalement, que le bassin original. Et puis, le reste de la structure n'a pas été renforcé. Et puis, on a une multitude de nouvelles. Vous allez voir dans le dossier Fukushima. Je vous ai laissé une multitude de liens encore cette semaine sur le site Les Nouvelles Internationales, où on retrouve beaucoup de personnes, beaucoup d'experts, de gens dans le domaine nucléaire, où on demande en réalité qu'on forme une coalition indépendante internationale pour s'occuper de ce dossier du bassin numéro 4 qui menace, selon plusieurs avis de gens qui sont des ingénieurs, qui sont des experts, qui sont des gens qui sont reliés au domaine du nucléaire, qui disent que si ce truc-là s'effondre, en réalité, vous allez trouver une nouvelle qui dit que même les chances que la structure du bassin numéro 4 résiste à un prochain événement majeur sismique est de zéro. C'est-à-dire que toutes les chances sont là, sont alignées pour que si on avait un autre tremblement de terre de l'ordre de 7, 8, 9 sur l'échelle de Richter au Japon, dans la région de Fukushima, eh bien, cette piscine, ce bassin irait s'effondrer sur le sol. Et puis, on dirait depuis quelques semaines que ce fait-là, dont je parle ici sur l'émission depuis le 11 mars 2011, donc il y a plus d'un an, ça a pris un an avant que la communauté internationale commence à prendre la pleine mesure de la menace qui pèse sur la planète entière. Et puis, c'est pas du catastrophisme qu'on est en train de faire là, c'est les mots même d'une multitude de personnes, comme je vous disais plus tôt, qui réalisent que si ce bassin-là fout le camp à terre, il va avoir tellement de matière radioactive relâchée dans l'atmosphère, dans le sol, dans l'océan, qu'on parle d'un événement d'extinction de masse sur la planète Terre. Arnie Gunderson dit que les seules personnes qui auraient une chance de s'en sortir, ce serait celles qui vivent ou qui se dirigeraient sous l'équateur, au sud de l'équateur. L'hémisphère nord serait à toute fin pratique probablement inhabitable pendant des décennies. Et puis, c'est pas pour faire du catastrophisme ou du sensationnalisme là, que je vous présente ces faits-là de cette façon-là, c'est qu'il va falloir faire face à la réalité. 1600 quelques, je pense que c'est 1650 tonnes de déchets nucléaires, dont du plutonium, dont une bonne quantité de plutonium, qui pourrait se retrouver relâché dans l'atmosphère. Particulièrement concernant une des facettes de ce drame-là à Fukushima, qui est encore bien méconnu ou bien peu discuté, particulièrement dans les grands médias de masse, comme je vous disais, les conséquences de tout ça vont peser pendant des décennies, chers amis, sur l'humanité. Et puis, une de ces facettes-là qui est peu discutée, c'est ce fameux virus Stuxnet. J'en ai parlé aussi régulièrement sur l'autre monde, et puis des nouvelles continuent de faire surface à chaque semaine, à chaque mois par rapport à ça. On a trouvé un cyber-virus au Japon, Stuxnet, qui est designé pour attaquer les serveurs qui sont offline via ces petites clés USB de mémoire qu'on a. Alors, ces trucs-là, en 2010, cette nouvelle qui date du 5 octobre 2010, OK? Donc, c'est bien avant l'événement de Fukushima, alors qu'on avait eu ce tremblement de terre et ce tsunami. Et puis, il y avait déjà ce fameux virus d'ordinateur qui était designé pour attaquer des serveurs qui étaient isolés de l'Internet, comme des ordinateurs de centrales nucléaires. Et puis ça a été confirmé par 63 ordinateurs personnels au Japon depuis le mois de juillet, c'est-à-dire, c'était quoi, juillet ou septembre, octobre, donc 3-4 mois avant la publication de cette nouvelle en 2010. Alors, selon la firme de sécurité Symantec Corporation, et puis on parle de ça parce que on rapporte seulement le tsunami, le tremblement de terre comme étant les causes officielles de ce qui s'est passé à Fukushima Daiichi. Mais depuis ce moment-là, on a eu une multitude d'accidents assez étranges avec les valves non fonctionnelles, avec des systèmes qui soudainement s'arrêtent, ainsi de suite, partout dans le monde, autant en Europe, en Asie, qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, on en parle très peu dans les médias de masse, mais il y a eu une multitude de centrales qui ont eu des problèmes pareils. Et puis, on a eu, curieusement, le même problème aussi à Fukushima Daiichi, alors qu'on avait eu des valves qui avaient cessé d'être fonctionnelles et puis qu'on n'était plus capable de contrôler par les opérateurs de la centrale. Okay? Alors, ce fameux virus-là, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans les systèmes, par exemple, des centrales nucléaires et puis commence à changer les procédures ou peu importe là, ce qui était programmé pour gérer les cœurs nucléaires. Et puis, pendant qu'il commence à dérailler le processus, il continue d'envoyer des signes aux contrôleurs que tout va bien. OK? Et puis là, ben, vous avez sur American Free Press un article qui parle d'un journaliste qui a accusé Israël de sabotage à Fukushima. Alors, c'est un important journaliste japonais qui a rapporté deux choses quand même assez spéciales. Alors, à propos de cette centrale nucléaire à Fukushima, qui a souffert d'une fusion de ses cœurs, au moins de ses quatre bâtiments, de ses quatre cœurs sur six, et sinon, possiblement même du cœur numéro 5 et numéro 6, en mars 2011. Et puis, c'est un ancien éditeur d'un journal national au Japon qui a déclaré que les États-Unis puis Israël savaient que Fukushima avait des armes. En fait, pas des armes, mais de l'uranium et du plutonium qui étaient enrichis jusqu'au niveau d'être utilisables pour des armes nucléaires. Okay? Alors ça, c'est une information dont j'ai hésité à parler pendant longtemps parce que j'en avais peu de preuves. Mais c'est une information qui est persistante et qui revient de multiples sources. Alors, à un moment donné, je crois qu'on a assez d'évidence pour affirmer avec un haut degré de certitude que on avait sur place, à la centrale Fukushima Daiichi, un processus aussi d'enrichissement de l'uranium et du plutonium pour fabriquer des réserves de ces deux éléments-là, assez enrichis, donc il faut les enrichir énormément. Là, on parle de, je crois que c'est 90-95%. Pour être utilisable dans des armes nucléaires. Alors, le Japon n'avait peut-être pas des armes nucléaires assemblées, mais avait le matériel pour en développer très rapidement et avait un programme nucléaire militaire qui était dissimulé dans ces centrales-là. Et c'est une des raisons fort probables pourquoi il y a eu autant de silence, de propagande, de désinformation, d'omission d'informations absolument essentielles et cruciales pour comprendre ce qui se passe là, parce que il y avait un volet militaire à cette centrale de Fukushima. Très, très, très important. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, on a eu du plutonium qui a été relâché dans l'atmosphère, parce que on a eu des explosions, et puis on a évidemment essayé de faire silence sur ces explosions. Il y en a d'ailleurs une de ces centrales-là qui a explosé, puis on n'a jamais présenté des images à la télévision. Vous avez ce journaliste qui explique, lui, que les services du renseignement israélien ont saboté le réacteur. En revanche, pour le support du Japon pour un État palestinien indépendant. Alors, le nom de ce journaliste est Yoshi Shimatsu. C'est un ancien éditeur du Japan Times Weekly. Et puis, il explique que ces matériaux nucléaires ont été acheminés à la centrale en 2007 sur les ordres de Dick Cheney de George W. Bush, avec l'assentiment et la collaboration du premier ministre d'alors, Ehud Olmert, Stuxnet loadé par des agents doubles iraniens. Alors, on parle d'un autre article ici où on avait attaqué d'ailleurs les centrales nucléaires aussi en Iran. Alors, on a des parallèles, on a des antécédents. Ce fameux virus Stuxnet a été implanté par un proxy israélien, un iranien qui était un agent qui travaillait pour Israël, pour trafiquer, pour endommager le programme nucléaire iranien, qui, disons-le, est civil, pour produire de l'électricité et des isotopes médicaux. Alors, ils ont utilisé une de ces fameuses clés USB, et puis ils ont attaqué ces fameuses installations nucléaires iraniennes. Ça s'est passé OK? Alors, ensuite, d'un autre côté, ben, une nouvelle fort intéressante à découvrir. Un Japon anxieux se prépare pour la vie sans énergie nucléaire. Alors, écoutez, c'est la première fois depuis presque 50 ans qu'on a retiré d'usage, on a mis au repos, on a tout simplement arrêté les derniers 54 réacteurs nucléaires japonais cette semaine, marquant un shift dramatique dans sa politique énergétique, mais fort intéressant quand même comme développement. Vous avez un rapport ici du réseau 60 Minutes aux États-Unis. On dit que Fukushima est maintenant en train d'irradier tout le monde. Cela va impacter toute l'humanité. Alors, vous avez beaucoup de nouvelles, comme je vous disais en début de dossier, qui vont dans ce sens-là. Vous avez un professeur nucléaire à Kyoto qui dit qu'il n'y a plus, désormais une chose comme de la nourriture propre et sécuritaire après les radiations de Fukushima. Et du fait que ces fameuses retombées radioactives se sont étendues à tout le reste de la planète. Alors, ça, c'est de quoi aussi à laquelle il va falloir faire face. On a des choix vitaux à faire par rapport aux fruits de mer qui vont provenir de l'océan Pacifique. Alors, il va falloir établir des tests contre la radiation, évidemment. Un article ici sur Tchernobyl 2012. Ce mois-ci, on marque le 26e anniversaire du désastre nucléaire de Fukushima en Ukraine. Alors, ça aussi, il faut se rappeler de ça. Les explosions de Tchernobyl dans ce fameux réacteur qui avait explosé. L'unité numéro 4 avait relâché une série de radionucléides très haut dans l'atmosphère. Et ceci contenait environ 400 fois plus de radiation que toutes les bombes qui sont tombées à Hiroshima. Alors, c'est fut quand même de quoi d'assez catastrophique, disons-le. Mais c'est pour ça qu'il est important maintenant aussi de comparer cela pour avoir l'échelle de ce qui se passe à Fukushima. Tchernobyl est arrivé, ça s'est passé évidemment dans un territoire à l'intérieur d'un continent, dans une région relativement isolée, et puis seulement un réacteur a brûlé pour environ une dizaine de jours. Fukushima, cependant, s'est produit le long de la côte où il y a une population très dense, dans un pays qui est très densément populé. Le complexe des réacteurs de Fukushima Daiichi contenait 6 réacteurs qui ont été sévèrement endommagés, dont au moins 3. Puis là, je dis au moins, parce que c'est de 3 à 6, ont totalement fondu. Toutes les 6 bâtiments fuient toujours, OK? Ont craché des particules radioactives mortelles dans l'air, dans la nourriture, dans l'eau et dans l'entière hémisphère nord. Et puis ceci est continu et continue de se produire depuis au moins un an, depuis plus d'un an, avec aucune fin visible, OK, pour des années, c'est pas des décennies. Et puis vous avez les médias de masse qui sont complètement silencieux. Les gens ne sont même pas conscients de ce qui se passe là-bas. Alors, si on fait face à un prospect où on a volontairement causé ce désastre à Fukushima, en plus d'un événement d'un tremblement de terre, parce que là, je dis volontairement, on parle de ce fameux virus Stuxnet, qui de toute évidence a affecté la centrale Daiichi, combiné à cette catastrophe naturelle du tremblement de terre et du tsunami qui s'en est suivi, mais à tout le moins, on est pas mal certain que Stuxnet a eu un impact dans l'étendue de ce désastre. Alors, si on fait face à un événement possible d'extinction de masse sur la planète Terre, fait-on face à un plan de décimation de la planète planifié? Là, ça va en faire friser une bonne gang. Eh bien, je vous dis gare à vous, parce que vous avez de plus en plus de nouvelles où, dans ce fameux dossier du réchauffement climatique, on retrouve étrangement, depuis quelques semaines, de plus en plus de personnes de l'élite internationale avec des nouvelles sourcées, des liens que vous pourrez cliquer et vérifier. On essaye de vous faire, de vous vendre l'idée qu'il y a trop de monde, qu'il va falloir dépopuler la planète. OK? Je sais que c'est pas facile des fois à gober quand on n'est pas préparé à de telles nouvelles, quand c'est la première fois qu'on entend parler. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a des gens qui pensent comme ça, puis malheureusement, ces gens-là ont des postes et des pouvoirs très importants sur les masses. Et ces gens-là ont des idées qui ne sont pas très saines. Il serait temps qu'on s'en rende compte. C'est pas parce que vous y croyez pas que ces gens-là y croient pas. Ils y croient. Ils ont des milliards de dollars. Ils sont des banquiers, des gens à l'ONU. Ils sont des CEO, de propriétaires de médias de masse. Ils sont des propriétaires de multinationales. Et puis, ils y croient. Si ce bassin du bâtiment du réacteur numéro 4 s'effondre, il va avoir tellement de radiation provenant du plutonium relâché qu'on appelle ça en anglais un extension level event, ELE. Et puis, pourquoi on n'en parle pas de ce bassin-là? C'est qu'il y a beaucoup de réacteurs nucléaires. Il y a plus de 800 centrales nucléaires dans le monde. La plupart ont été bâties, construits dans les années 60-70. Et vous avez une quantité incroyable de ces installations nucléaires partout dans le monde qui sont bâties de la même façon que celui de Fukushima Daiichi. Alors, cette situation-là pourrait se produire n'importe où dans le monde. Il faut être conscient de ça. Vous avez un ambassadeur des Nations Unies, Murata, qui a écrit au secrétaire général des Nations Unies. Il a écrit, il n'est d'aucune exagération de dire que le destin du Japon et puis du monde entier dépend du réacteur numéro 4. Vous avez un expert nucléaire ici sur Fukushima qui parle de ce même bassin. Il dit, il pompe de l'eau à l'intérieur de ce bassin-là. Il se draine dans les fondations, dans les sous-sols, les pièces qui sont sous ce bassin. Et puis après ça, on l'aspire pour le sortir de ces endroits-là, pour après ça le rajouter dans le bassin encore une fois. En réalité, en anglais, ils disent « there is no containment ». Le bassin ne contient pas l'eau, il est plein de fissures, de trous, il coule comme une passoire. Ici, vous avez un expert des déchets nucléaires qui dit « les radiations relâchées » s'il y avait un feu qui prenait dans ce bassin-là, parce que c'est pourquoi on jette de l'eau dans ce bassin-là, c'est qu'il faut refroidir ces déchets nucléaires-là. S'ils s'échauffent, on rentre dans une réaction, une chaîne nucléaire, et puis là, le truc peut commencer à fusionner, à relâcher un paquet de radiation dans l'atmosphère, puis là, imaginez 1500 tonnes qui commencent à se consumer ainsi. Alors, cet expert des déchets nucléaires dit ce serait une catastrophe globale. Il dit, en fait, ça l'est déjà. Mais en fait, ce serait encore pire que tout ce qui s'est déjà passé. Vous avez une coalition qui font une requête d'une intervention des Nations Unies pour stabiliser ce bassin numéro 4 à Fukushima, endossé par des experts nucléaires. Alors là, vous avez des taux de radiation qui ont triplé en une station de mesure à Tokyo. En fait, vous avez des niveaux qui ont piqué comme ça à de multiples endroits. Alors, dans la ville de Tokyo, vous avez du césium qui ont excédé les nouvelles limites détectées dans plus de 51 items de nourriture dans 9 préfectures japonaises. Selon un autre expert nucléaire japonais, nous ne savons même pas à ce point-ci où sont les cœurs nucléaires qui ont fondu sous les réacteurs numéro 1, 2 et 3. Une vidéo à l'appui. Alors, ça continue comme si un autre spécialiste des réacteurs au Japon à une conférence de presse aux États-Unis. Je m'inquiète à propos des renforcements de ce bassin numéro 4. On prie qu'il n'y ait pas d'autres tremblements de terre importants. On prie. On se met à genoux puis on prie. C'est là qu'on est rendu. On prie, là. On est au-delà de la science. On est au-delà de toute la technologie qu'on possède sur Terre. On est au-delà d'une situation du connu. On nage en plein environnement inconnu. On ne sait même pas quoi faire avec ça. un world leader, un leader international sur la décommission des réacteurs nucléaires. Il n'y a aucune technologie qui pourrait être appliquée directement à Fukushima. Fin de la citation. Une autre nouvelle absolument hallucinante, publiée dans le Japan Times, le 2 mai 2012, le Japon ne sera plus un pays développé dans moins de 40 ans. Ça vient de qui? De l'organisation des plus puissantes business japonaises qui se sont rencontrées la semaine passée. Ça vient pas de des petits sans-dessins. Un autre auteur ici dit que de nettoyer la radiation à Fukushima est sans espoir, il n'y a aucune fin. Il dit qu'il va être impossible de décontaminer de vastes régions couvertes par des forêts, par des montagnes au Japon. On ne vous parle pas de ça dans les médias. Les niveaux d'hydrogène continuent de monter dans le réacteur numéro 2. On est rendu à 0,50%, le plus haut depuis des mois. On a des risques d'explosion à 4%. Alors, ça monte 8 fois de plus. Boum! Alors voilà, c'est tout pour nous, chers auditeurs. Merci d'avoir été là à cette autre émission de L'Autre Monde. On va se retrouver la semaine prochaine avec toujours plus de nouvelles pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur cette petite planète. Alors, sur ce, je vous salue bien bas. C'était François Marchenant pour L'Autre Monde. À la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.